Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine sur Fadjet, le rendez-vous mensuel qui met en lumière celles et ceux qui font bouger notre territoire grâce à des initiatives solidaires. Aujourd'hui, on va parler de solidarité, de lien social et surtout d'un lieu qui fait du bien, un lieu où l'on peut chiner, discuter autour d'un café, créer des rencontres et lutter aussi contre l'isolement. Je vous emmène à la découverte de la petite boutique de Louis, une boutique solidaire à Baccarat, mais aussi un tiers-lieu. Un lieu ancré sur son territoire, porté par une équipe engagée et une vraie volonté d'inclusion. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Vanel. Bonjour Céline. Bonjour Morgane. Merci d'être parmi nous. Alors pour commencer, j'aimerais revenir aux origines du projet. Comment est née l'idée de la petite boutique de Louis? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une rencontre, un constat de terrain qui vous a donné envie de créer ce lieu? Alors en fait, je suis conseillère en économie sociale familiale et je travaille dans le domaine de l'insertion professionnelle depuis 28 ans. J'avais vraiment envie, vraiment à cœur de monter ce projet sur le secteur de Baccarat, qui est un secteur où il n'y a pas de structure d'insertion professionnelle, et envie de monter une recyclerie. D'accord. Et justement, donc, vous venez de le dire, vous êtes conseillère en économie sociale depuis plus de 25 ans. En quoi votre parcours professionnel a-t-il influencé la forme que prend aujourd'hui ce projet ? L'envie de mettre ses compétences au profit de cette population et puis envie de finir ma carrière sur un beau projet pour créer du lien social. D'accord. Alors Céline, il y a ce nom, la petite boutique de Louis. Il interpelle, il touche. Pourquoi ce choix? Quelle est l'histoire derrière ce nom? Alors Louis, en fait, c'était mon grand-père. Il était résistant. Il avait 17 ans quand la guerre a éclaté. Il s'est fait couper un doigt de pied pour ne pas partir au service de travail obligatoire. Pour moi, c'est un héros. Pendant toute la guerre, il s'est caché, il a œuvré et il était présent pour libérer la ville de Baccarat. Et ben, j'ai un petit peu ça dans mes gènes, l'envie de résister, de ne pas sombrer dans la morosité, de lutter, même si on me dit que le social, ça sert à rien. Que voilà, j'ai envie de lutter chaque jour et de donner le sourire aux gens. Alors ce projet, il est aussi né d'une envie forte d'agir localement et très vite, il a pris une forme un peu particulière. Concrètement, comment fonctionne la petite boutique de Louis? Quel est le principe de cette boutique solidaire? Alors en fait, il y a deux parties dans la boutique. Il y a la partie don, puisque ce sont des particuliers qui font des dons de vêtements, de vaisselle, de jeux, de jouets, d'articles de sport. Et puis il y a la partie vente. Et cette vente va permettre en tout cas de créer alors du lien, mais aussi de l'emploi. On va le voir. Oui, on va en parler. On va en parler. Quand on pousse la porte, bah, qu'est-ce qu'on y trouve? Et surtout, qu'est-ce qui fait la spécificité de votre boutique par rapport à une friperie ou un dépôt vente classique? Alors, il n'y a pas vraiment de différence avec une friperie ou un dépôt vente, puisqu'on trouve des articles de seconde main. La seule différence donc, par rapport à un dépôt vente, c'est que bah, les donateurs ne récupèrent pas d'argent. Ils font un don, ils sont très heureux parce qu'ils me disent bah, au moins ça profitera à quelqu'un d'autre. Et quand on échange avec eux, de se dire en plus on participe à un projet solidaire, ça donne encore plus envie de donner et de donner des choses qui auraient été mises en déchetterie alors qu'elles peuvent encore servir. Donc toutes sortes d'objets? Que des petits objets, enfin beaucoup de vêtements, énormément de vêtements, des jeux, des jouets, de la vaisselle et de la décoration, du tout petit mobilier. D'accord. Alors, mais la petite boutique de Louis, c'est pas seulement un lieu où l'on vient acheter à petit prix. Vous avez aussi imaginé ce lieu comme un tiers-lieu, un espace de rencontre et d'échange. Que s'y passe-t-il au quotidien? Et pourquoi est-ce important pour vous d'y intégrer cette dimension de convivialité et de lien social? Alors en fait, effectivement, il y a du lien social. Dans la petite boutique de Louis, on le retrouve à trois niveaux. Le 3 juin, quand j'ai lancé la boutique, j'étais toute seule. Aujourd'hui, on a 12 bénévoles. Donc voilà, déjà du lien social à ce niveau-là. Deuxièmement, des personnes qui échangent, des personnes d'origine très différente qui n'auraient jamais discuté ensemble dans la rue. Donc je dis toujours que cet endroit est magique. Et puis, des habitants qui utilisent la boutique pour faire preuve de générosité envers des inconnus ou même des voisins. D'accord. Et qu'est-ce que vous observez déjà des effets concrets chez les personnes qui fréquentent ce lieu ? Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Une personne âgée qui vient régulièrement dans la boutique, qui fait des petits achats parce qu'elle n'a vraiment pas beaucoup de budget. Et un matin, elle arrive à 9h30. Elle me dit « Oh là là, je suis en retard, j'ai eu des ouvriers. »« Ah bon, vous êtes en retard, mais en retard, pourquoi ?»« Oh, mais d'habitude, je suis toujours là à 9h. » Et en fait, c'est devenu l'endroit où elle vient se promener. Elle sait qu'elle a du monde pour discuter. Et même si elle ne fait pas des gros achats, bah, elle passe un bon moment. Et ça, bah, c'est gagné, quoi, en fait. Alors, derrière ce lieu chaleureux, il y a une véritable aventure humaine. Déjà, qui fait vivre la petite boutique de Louis aujourd'hui ? Donc vous, bien sûr, Céline, mais vous n'êtes pas seule, vous l'avez dit, plusieurs bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe, des bénévoles et de l'association support qui porte le projet ? Alors, bon, il y a déjà effectivement moi, le porteur de projet, qui suis directrice de l'association, donc, et qui vais mettre toute mon expérience hein, au profit et de l'organisation de la boutique et de la mise en place du partenariat et surtout de l'accompagnement des personnes en difficulté. Mais aussi, donc, comme je le disais, il y a 12 bénévoles. Je vais vous donner deux exemples. Anna, retraitée, qui vient chaque jour trier, ranger, accueillir le public et qui est devenue un véritable pilier de la boutique. Lorenzo, 18 ans tout juste, qui vient d'entrer en école de moniteur éducateur et qui nous aide à sa manière pour tout ce qui est communication et qui met des publications sur les réseaux sociaux, donc vraiment, vraiment très important. Après, j'ai envie de vous dire qu'il y a un partenariat très important avec beaucoup d'associations. Donc, je vais en citer une, France Active Lorraine. France Active Lorraine m'a aidé à définir mon projet, à le mettre en place et puis à obtenir un financement très important via Aux Côtés. La mairie de Baccarat, qui nous aide à financer notre loyer. Le conseil départemental, qui a permis, grâce à un appel à projet, de financer le premier poste. Donc voilà, c'est tous des partenaires qui sont très importants autour de l'association. Donc vous êtes vraiment une équipe. Alors vous parlez d'un projet inclusif avec la volonté de créer de l'emploi et de favoriser l'inclusion par le lien social. Comment cela se traduit-il concrètement aujourd'hui et quelles sont vos ambitions pour la suite ? Alors, pour le moment, le lien social, il se fait chaque jour via les utilisateurs de la boutique, les clients et les donateurs et les bénévoles, évidemment. Donc ça, c'est vraiment déjà du lien social qu'on peut mesurer. Et puis, par la suite, donc, quand on aura obtenu notre financement, on a le projet d'embaucher 2 personnes en insertion. Et on accueille depuis plusieurs mois des stagiaires, des jeunes, qui ont du mal à trouver un lieu de stage. Je pense notamment aux élèves de SECPA, Ulysse, les classes Ulysse, qui ont du mal à trouver des lieux de stage et qui viennent à la boutique. Dans 2 semaines, on a 4 stagiaires. Et si des auditeurs nous écoutent et ont envie de s'engager, Céline, comment on peut devenir membre, bénévole ou tout simplement soutenir la petite boutique de Louis ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, venez à la boutique, c'est le plus simple. Venez au 27 rue Adrien Michaud à Baccarat. C'est ouvert toute la journée du mardi au vendredi. On prend le temps d'échanger, de vous expliquer le pourquoi on est là. Et bah, je vais vous donner l'exemple de la 12e bénévole qui est arrivée il y a quelques temps, qui était venue pour acheter. Et on a pris le temps, comme on le fait avec chaque personne qui entre dans la boutique, d'expliquer notre association. Et là, elle s'est dit, mais c'est ça, j'ai envie de me rendre utile, c'est ça que j'ai envie de faire, je peux faire partie de votre équipe. Eh bien oui, elle vient qu'une demi-journée par semaine, mais une demi-journée, c'est énorme. Chacun fait à la hauteur du temps qu'il a à consacrer. Donc venez voir et venez voir si ça vous plaît. Et puis, si vous voulez nous soutenir simplement via la campagne de financement participatif qui est en cours, ben, vous êtes les bienvenus. Alors Céline, vous venez d'en parler un peu. Pour faire vivre ce projet et surtout pour le développer, il faut aussi des moyens. Et c'est pour cela que vous avez lancé une campagne de financement participatif via la plateforme Aux Côtés. Pour les nouveaux auditeurs de l'émission, je rappelle rapidement ce qu'est Aux Côtés. C'est une plateforme de financement participatif portée par France Active Lorraine. Elle bouscule un peu les codes du crowdfunding classique. Ici, chaque don citoyen a plus d'impact. Concrètement, pour 1 euro donné pour un citoyen, une collectivité ajoute 1 euro et une entreprise locale complète avec 1 euro supplémentaire. Résultat, 1 euro devient 3 euros pour soutenir des projets locaux à forte utilité sociale. C'est un système qui renforce à la fois l'impact des dons et le lien entre les citoyens, collectivités et acteurs économiques du territoire. Aujourd'hui, Céline, votre compagne, elle a déjà permis de récolter 8700 euros grâce à 23 contributeurs et avec le soutien du département de Meurthe-et-Moselle et de plusieurs entreprises locales. Déjà, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de lancer cette campagne de financement participatif ? Alors, comme dans tout le projet, je trouvais vraiment très important de fédérer autour de ce projet et de fédérer tous les acteurs locaux. Donc que ce soit les particuliers, mais que ce soit aussi les collectivités et les entreprises. Et ça a été vraiment, alors je vais pas le cacher, un gros travail parce que sur Baccarat, mais comme partout ailleurs, j'ai trouvé. Je suis allée rencontrer les entreprises directement. J'ai trouvé pas mal d'entreprises en difficulté, mais j'ai quand même réussi à réunir 22 entreprises de Baccarat autour de ce projet. Des entreprises qui m'accueillaient pas forcément très bien au départ, en disant ouais, le social, le solidaire, et pour finir, qui ont adhéré au projet. Et j'ai trouvé ça à la fois énergivore, mais terriblement enrichissant. Et ça m'a permis, en tout cas, ça a permis à l'association d'avoir une visibilité. Je peux donner l'exemple d'un horticulteur de Baccarat qui m'a dit ce serait bien qu'on travaille un petit peu ensemble. Alors lui, il produit des fleurs. Nous, on a des cache-pots parce que les gens nous donnent énormément de cache-pots et on arrive justement sur certaines manifestations à vendre des fleurs qu'on a eues à très bas, parce qu'en fait il nous fait vraiment un tarif et on travaille ensemble, voilà. C'est super. Alors à quoi vont servir concrètement les fonds collectés et en quoi cette campagne elle est essentielle pour la structure, pour le projet, notamment en matière de création d'emplois et d'inclusion ? Alors justement, cette campagne participative va permettre de financer 2 postes en insertion. Donc pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui rencontrent des difficultés socio-professionnelles, l'objectif c'est de leur donner un poste, de les accompagner dans leur démarche pour un emploi tremplin en fait, pour qu'ils puissent sortir le plus rapidement possible de la structure avec un emploi. D'accord. Donc, au-delà de l'aspect financier, cette campagne, elle vous permet aussi de faire connaître le projet, comme vous l'avez dit, de mobiliser le territoire et de créer de nouveaux liens. Alors, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à vous rendre sur la page de la campagne www.aucote.fr. Donc, aucote, c'est O-K-O-T-E. Petite spécificité. Et pour en savoir plus et donner ou partager si vous le souhaitez. Alors pour terminer, comment vous imaginez la petite boutique de Louis, Céline, dans les mois ou les années à venir ? Toujours plus dynamique, avec plein de projets. On participe également à tous les projets solidaires sur Baccarat et les environs. J'ai une équipe très motivée qui a plein d'idées. Donc, en avant. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre partage, Céline, et d'être venue. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçue. Alors, à travers la petite boutique de Louis, on voit bien qu'un lieu peut être à la fois solidaire, accueillant et profondément humain. Alors, je vous invite à venir découvrir ce lieu, comme vous l'avez dit, Céline, au 27 rue Adrien Michaud à Baccarat. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, parce que vous avez quand même de nombreuses actualités et informations. Et en tout cas, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Si vous avez manqué une partie de l'émission ou souhaitez la réécouter, rendez-vous sur fadjet.net. Pour ma part, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission des Entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine.